C'est moi qui follow, je vis juste dans un monde de fou fou fou. J'ai vu leur manigance, c'est leur tout autour. De ma chie, de ma chienne, de jager, de je t'achète, je te prends pour une cagette. Quand ils m'ont parlé, j'entendais leur vis comme une perceuse. Mais bon, je vais leur pardonner, j'ai un grand cœur comme personne. Mon rap fait voyager, peut te servir de perceuse. Si tu dis le contraire, c'est que t'as de la merde dans les personnes. Les oreilles hyper sales, les pics c'est des guilili. Je veux pas te blesser, mais tu m'as même pas un peu inquiétiné. Non, franchement, les gars, là si je m'écoute, je mets les gars. Je m'en vais loin, loin de tout, je vole comme un pélican. Faut que je suis ganté, je veux pas te faire du mal, mon seul but c'est monter. Mais pas devant, j'ai mes gars, ils vont te hanter. Dis ce que tu veux de ma vie, moi j'ai pas inventé. Benia, fidèle au poste, tu restes fia, pour ça que tu m'aimes encore. Benia, fidèle au poste, tu restes fia, pour ça que tu m'aimes encore. C'est moi qui follow, je vis juste dans un monde de fou, fou, fou. J'ai vu leur manigance, c'est leur tout autour. De magie, de machin, de jager, de je t'achète, je te prends pour une cagette. C'est moi qui follow, je vis juste dans un monde de fou. J'ai vu leur manica, c'est leur tour. J'ai l'impression de parler dans le vent, à chaque soleil le vent. Tu veux pas m'écouter, après tu pleures quand je mets des vues. Tu demandes pourquoi je suis pas là, pourquoi j'ai pas répondu. Mon cœur a parlé des années, mais personne l'a entendu. N'essaie pas de rentrer dans ma tête, hein. Maman, j'ai bien compris ce qui se passe dans la tienne. Je suis réveillée plus que tu ne le crois, non, je suis pas bête. T'inquiète pas, je tiens la route, m'a même pas besoin que tu la tiennes. Voyant demande à Néné. On a su rester fort, vite de fait l'élé. Chez nous, pas de ténéné. On te lâche un grand sourire dans la galère. Ce matin, je dois me lever tôt. Mon taf c'était les assassiner. La tête dans le guidon vénère. Envoie tes proches, je vais les calciner. Hola, toujours dans la mélodie. Bientôt je me lis hola. Je me taille avec mes OG, mes OG. C'est moi qui follow, je vis juste dans un monde de fou, fou, fou. J'ai vu leur manigance, c'est leur tout autour. De magie, de machin, de jager, de je t'achète, je te prends pour une cagette. C'est moi qui follow, je vis juste dans un monde de fou. J'ai vu leur manigance, c'est leur tour.